será, roto nacerá. Dis-le sommet, tu sais, dans ma ligne de vie, peu importe le prix, j'irai jusqu'au bout de mes rêves. Malgré les peines de la vie, j'ai toujours espoir. Toi ma soeur, continue de crier, faut que tu donnes innocence à ta vie, yeah yeah. Odora, café amé, odora, j'ai de go. Le soleil brille pour tout le monde. Mais Boris Pana, un seul mot. Amessia Medola Wanlo. Amessia Medola Jaguaga. Amessia Medola Wanlo. Amessia Medola Jaguaga. Que Dieu donne. Amessia Medola Wanlo. Amessia Medola Jaguaga. Amessia Medola Wanlo. Non, jamais. Amessia Medola Jaguaga. Amessia Medola Jaguaga. Tout le monde n'a qu'à danser. Amessia Medola Jaguaga. Tout le monde n'a qu'à danser. Amessia Medola Jaguaga. Tout le monde n'a qu'à danser. Amessia Medola Jaguaga. Marica. Seul le travail libère, bat-toi pour être leader. Ariel Moïse, de la platine, besoin record. Anas le créateur, car fraîche. Shabala, Shabala, Shabala, Shabali Dondo. Shabali Dondo. Shabali Dondo. Shabali Dondo. Shabali Dondo. Shabali Dondo. Shabali Dondo. Shabali Dondo. Shabali Dondo. Shabali Dondo. Shabali Dondo. Shabali Dondo. Joli bébé chocolaté, on danse chocolaté. Joli garçon chocolaté, on bouge chocolaté. Joli garçon chocolaté, on danse chocolaté. Joli bébé chocolaté, on danse chocolaté. Chocolaté, je me belle. Oui, dit-on.